Une bande de copains, un accident, le Cap Ferret, vous voyez où je veux en venir? On a maté pour vous les petits mouchoirs et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bienvenue dans 2 heures de perdu, ce soir consacré au Petit Mouchoir, film de Guillaume Canet. Pour en parler avec moi ce soir, Mickaël, bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment ça va? Bah, après la vision de ce film, un peu moins bien, mais, mais ça va, globalement. Tu es triste, c'est normal. Greg, ça va? Ça va mieux que Mickaël? Bah, ça va mieux que Mickaël, visiblement, ouais. On dirait. Je suis vraiment beaucoup du rouleau. Du rouleau de Petit Mouchoir. Ça commence. Donc, Les Petits Mouchoirs, film de Guillaume Canet, sorti en France en 2010. Distribué par Europacorp, encore eux. Au casting, on retrouve François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Lelouch, Jean Dujardin, Laurent Lafitte, Valérie Bonneton et Pascal Arbillot, c'est pas qui c'est. Alors Laurent Lafitte, à pas confondre avec Laurie Lafont. Celle-là, elle était préparée aussi. Donc, je vais pas commencer par Mickaël, t'as l'air bien trop excité. Greg, comment tu as maté ce film? Comment ça s'est passé? Ben ça a été en fait, hein. Ouais. C'était pas si terrible, je l'ai maté en deux fois parce que faut se l'infuser quand même, mais c'était pas si terrible. Tu t'es arrêté au milieu, tu t'es arrêté où? Je me suis arrêté pile au milieu, je l'ai fait en deux fois, deux soirs. Pile au milieu, ouais. Parfait. Mickaël? Bah alors moi c'est marrant parce que moi je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans. Ouais, tu l'as... Attends, juste un instant, c'est la première fois que tu le voyais, Greg? Ah non, je l'avais déjà vu. Ah, tu l'avais déjà vu? Ouais, je l'avais déjà vu. D'accord. Donc tu savais la purge... Mais je crois que je l'avais vu au cinéma la première fois. Tu t'en souviens plus, ouais. Non, je m'en souvenais plus, non. Ça fait chier de payer pour ça. Mickaël, excuse-moi, je t'ai coupé, tu l'avais vu? Ouais, non, bah je me casse. toi, tu l'avais payé aussi? Non, moi je l'avais vu en DVD. Ouais. Figure-toi que j'ai le DVD chez moi. Ça, c'est déjà... ça, c'est un objet qui risque de valoir beaucoup d'argent dans 50 ans. Autant dire que je ne l'ai pas encadré, hein. Enfin bref. Et je l'avais vu il y a 2-3 ans, et c'est marrant parce qu'en le regardant aujourd'hui, je ne me souvenais pas qu'il était aussi long, bizarrement. Attends, mais pourquoi t'as le DVD? En fait, on a fait comme si c'était pas moi, je partage ma vie avec quelqu'un qui a le DVD, voilà. Ouais. Voilà. Tu vois, encore moi, j'étais devant au cinéma, mais je savais pas, tu vois. Faudrait voir, changer la personne avec qui tu es. Non, il y a peu de chance. Ça va très bien, enfin bref. D'accord. Donc je me souvenais pas qu'il était aussi long, ce qui a un certain côté à mettre à l'honneur du film. Oui. Par contre, je me souviens qu'il était aussi nul. 154 minutes, effectivement. Hein. Ouais, 154 minutes. Mais c'est-à-dire qu'il était tellement long qu'à la fin, j'avais les cheveux longs une barbe. 154 minutes, ça c'est la vraie durée, durée ressentie, on est à 154 jours. Quoi. C'est assez... Moi, je l'ai pas vu au cinéma, évidemment. Je l'avais regardé, pour être honnête, je savais que j'allais détester ce film. Et je me l'avais maté tout seul il y a genre 2 ans. Avec mon plat de pâtes et tout, en adorant détester ce film, ça me convient bien. Mmh. Et là, l'idée de le revoir vraiment me faisait vraiment chier, mais vraiment, c'était pas possible. Et je me suis vraiment pris la purge des 2h30, hein, parce que c'est hyper long. C'est hyper long. Je voulais le mater d'un coup, parce que je voulais m'en débarrasser. Moi, c'est pareil. Et c'était compliqué, quoi. Ouais, il a pris la durée du chef-d'œuvre, quoi. Pour faire un chef-d'œuvre. Ça, clairement, les grands films, c'est-à-dire 2h30, faut que je fasse 30 minutes de bobine. Non, mais je pense que ce que s'est dit Guillaume Canet, c'est 2h30, on va s'attacher au personnage, ouais, on va pleurer, quoi. C'est loupé, plus en fait. C'est long, plus on va les aimer, quoi. C'est ça, ouais. Bon, par contre, juste là pour revenir rapidement, l'histoire, qui peut la résumer, là, entre vous deux? Non, je te laisse l'honneur de le faire parce que moi, c'est Greg. Bah, c'est une recette simple, hein. C'est une bande de potes, un film français, un truc qui marche toujours, des bandes de potes. Il y en a eu des milliers, des films sur les bandes de potes. Sauf que là, il rajoute un truc au début. Dès le début, c'est qu'un des potes, il a un accident de moto. Tragique. Ouais. Scooter. C'est Jean Dujardin, exactement. On verra pas du film, hein. D'ailleurs, on le verra. Si, déguisé en femme. Un peu défiguré, on le verra, mais très peu. Et donc, cette bande de potes, juste après cet accident, visiblement, ils tiennent vraiment, vraiment à leurs vacances. Et ils décident de laisser leurs potes à Paris et d'aller passer leurs vacances. La question se pose, on part en vacances ou non, quoi. Au Cap Ferret. Ce qui est fort, hein. Mais on y reviendra plus tard, parce que c'est un point très intéressant, ouais, J'ai lu pas mal de trucs sur ce film. Il y a plein de gens, donc, qui sont beaucoup de critiques de cinéma, Télérama et tout, qui sont vraiment attachés au côté c'est un film sur l'amitié et tout. Moi je suis pas d'accord, je pense que c'est un film sur le Cap Ferret. Il y a un peu de ça. Je pense qu'ils ont reçu de la thune de l'Amérique. Alors clairement, c'est de la région. Ah non, mais attends, Guillaume Canet s'est payé ses vacances sur le CNC quand même. Parce que là, il y a tous ses potes aussi. Juste sur Télérama, parce que Télérama a bien aimé ce film ou parce que c'est pas les critiques. Non, tout le monde a détesté. Tout le monde a détesté, je crois, sauf Libération. Ah oui. Je crois c'est tout. Non mais vraiment c'est facile. Non, première à lui aimer quand même. Première à lui aimer, non, même pas. Si si ouais, première. Ah oui, oui, si si. Ah oui, ça si, si. Ouais. Tu sais pourquoi? Non pas si si les petits boulots. Pas si si l'impératrice le film. Donc moi je voulais juste revenir parce que il faut quand même mettre à l'honneur ce qui est mis à l'honneur. La première scène du film, j'ai pas envie de dire waouh, mais franchement, la première scène du film, moi pour avoir vu ce film là et l'avoir détesté énormément, j'ai été surpris. Non mais c'est quand même un beau plan, tu vois la belle séquence, il sort des toilettes. En fait, ce que je me suis dit, on va parcourir la boîte du baron, il doit probablement avoir des parts dans le baron parce qu'il veut nous montrer quand même la gueule c'est de possible. Sa boîte. Et ensuite on va voir jusqu'à l'accident de Cousteau, ce qui est pas mal quand même. En fait non, moi j'ai une objection parce que je pense que à l'image de l'accident, je pense que Guillaume Canet se plante dès le début en fait. Pour une bonne et simple raison, c'est que Jean Dujardin, qui est quand même le personnage, bon on explique vite fait, il sort d'une boîte de nuit, il est bourré, il est défoncé. Il prend son scoot, il rentre chez lui, il se fait défoncer par un camion. Ouais, voilà. C'est ça. C'est alors, l'effet spécial est bien foutu, et c'est peut-être le seul truc à sauver du film, à mon avis. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, on est quand même censé ressentir de la compassion pour ce personnage qui a un accident grave et qui va rester à l'hosto quand même. Sauf que c'est un immense connard. Exactement, le mec, il arrive dans la boîte de nuit, il rentre dans les chiottes des meufs, il dit waouh, t'es bonne, toi, je t'ai baisé, non ? C'est juste un beauf, quoi. D'ailleurs, c'est sur quoi la meuf reste sans réaction, genre oui, ou si tu veux le faire, volontiers, tu vois, genre évidemment, tu es un dieu comme tous les personnages de ce putain de film. Non, mais faut pas déconner, tous les gens autres que leur putain de bande. Miss l'étape easy, enfin on va parler tout à l'heure de Gilles Lelouch, je sais que ça tient à cœur. Moi ça me tient à cœur. Mais c'est vraiment. Mais j'ai pas détesté ce film encore une fois. Il va se taper la serveuse, C'est même, la question ne se pose même pas, tu vois. Mais bon, je suis d'accord. Moi déjà, la première scène, je la trouve hyper maladroite, un peu à l'image de tout le reste du film d'ailleurs. Mais là, on peut enchaîner, à moins que vous ayez des choses à dire, on va pas passer trop de temps sur cette scène. Non, on va pas passer trop de temps. Moi je trouve que, tu vois, il y a un truc qui est vraiment téléphoné, c'est genre. Il est dans la boîte, il s'éclate, il prend de la coke, il va voir son pote. Ouais, ça va hyper vite. Hein. Il envoie sa santé de coke, ça descend en même temps. Oh putain, je kiffe. Et je kiffe plus, il faut que je parte. Justement, il embrasse une gonzesse et tout. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il fait la gueule, il fait ouais, non, ça va plus, il se barre. Et là, le travelling commence. Le travelling qui est super bien fait, qui est joli. Tu vois, t'es dans Paris, c'est l'été, il est avec son scooter. Et le travelling, il dure 1 minute 30. Et Guillaume Canet, il a un truc avec la longueur. Je veux pas rentrer dans le général. Il a un truc avec la longueur, c'est qu'il fait durer les choses pour qu'on sente bien, monter les émotions. On les sent, on l'a bien et senti. Et le travelling, il dure tellement longtemps que dès le début, tu sais qu'il va se faire défoncer. Ça, tu le sais dès le début, et donc ça dure longtemps. Maintenant, si t'as vu la bande-annonce, t'es foutu, quoi, parce que c'est le premier truc. Oui, et donc la scène d'après, c'est la finalement une scène clé du film qui va faire. C'est tous les amis se retrouvent parce qu'il s'avère que Jean Dujardin avait plein d'amis, une bande d'amis qui se retrouvent tous les étés très bon au Cap Ferret dans une maison absolument standard de 2000 m². On se retrouve à l'hôpital et donc là tout le casting se retrouve. On a Marion Cotillard, Benoît Magimel, Lelouch, Cluzet. Ouais. Et puis leurs compagnes respectives dont on a absolument rien à foutre. C'est vrai qu'ils sont insignifiants. Encore objection, je suis désolé, on va vraiment pas s'entendre ce soir. Je trouve que Valérie Bonneton, c'est à peu près le seul personnage attachant du film. Alors là, c'est faux. Non, alors là, c'est faux. Absolument d'accord avec Mickaël. S'il y a une seule personne à sauver dans ce film, c'est Bonneton. C'est faux. Et vraiment, elle est hyper drôle cette meuf. Non. Et même dans les petits mouchoirs, elle est drôle. Éventuellement, je suis désolé. Je suis désolé, mais je voulais pas rentrer dans les détails, mais elle a un rôle. Elle a le rôle de la nana qui est. T'as fini ta crise maintenant ? Voilà. Elle fait que ça. Ouais, elle fait que gueuler. Et c'est poussé à l'extrême. Donc en même temps, elle est sous la direction de Canet, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas. Il y a un moment. Bon, en gros, un premier truc qui m'a fait tilter vraiment direct, c'est putain, on part en. C'est pas la question, c'est pas on part en vacances, oui ou non, parce que notre pote est dans le coma. Maintenant, il a l'air d'aller mieux, on va partir. Non, c'est la question, on devait partir un mois, on ne va partir que 2 semaines. Putain, mais qui part un mois en vacances à Paris, surtout dans une bande de 6 potes qui font des métiers différents? C'est impossible! Fait tu vois, genre, qui part un mois en vacances? Moi, je bosse dans le milieu de la culture, donc je suis pas bien. Ouais, bon, parler, toi, t'es tranquille. Et moi, je suis en métier. Voilà. On pourrait tous partir 3 mois en vacances, on le sait très bien. Mais en tout cas, on n'a pas le moyen de se payer un séjour dans cette baraque. Et le truc, c'est. Ouais, mais tu vois, et tu sens vraiment leur peine, genre. Ouais, on va partir que 2 semaines, du coup. C'est ridicule. C'est presque ça que j'ai noté, mais en fait, Tu vois, au début, il y a un petit peu de débat, genre on va pas laisser notre pote. Et en fait, le débat, ouais, c'est juste, en fait, on va partir combien de temps Et en fait, dans la longueur, le débat, c'est pas est-ce qu'on part ou mais plus combien de temps on part. Et ça dure des heures, quoi. C'est quand même un peu bizarre, quoi. Bon, de toute façon, tu sais très bien qu'ils vont partir. Si t'as vu la bande-annonce ou si t'as vu la durée du film de 2h30, tu te dis qu'ils vont pas rester 2h30 à l'hôpital. Donc du coup, ils partent. Et moi, il y a vraiment dès le début, on a une espèce de voilà le ah qu'est-ce qui se passe entre Benoît Magimel et François Cluzet. Et ben en fait, alors vraiment super improbable. Et pour moi, grosse erreur de casting parce que j'aurais vraiment vu l'inverse. Mais Benoît Magimel, kiné, super beau gosse, jeune, la force dans l'âge et tout, il est amoureux de son ami le plus moche de la bande, hyper nerveux, genre ça n'a aucun sens. Et il est amoureux de lui, amoureux de ses mains pleines de nervosité. Et il lui annonce dans son hôtel 9 étoiles. Parce que c'est une scène, quand même, on peut en parler, la scène donc dans l'hôtel de François Cluzet. Ouais. Donc il possède tout le monde. Ouais. Tu vas ci, tu vas là, tu machin. Il est le petit chef au contrôle. Dans un hôtel, franchement, c'est. On est au Majestique, quoi. Tu vois, on est vraiment dans des hôtels les plus chers de Paname. Et il lui annonce voilà, écoute, je suis amoureux de toi. Attends, tu déconnes là. Enfin, on peut parler... C'est une connerie des autres. C'est une connerie des autres. C'est ça, c'est une connerie des autres. On peut parler de François Cluzet quand même, de son rôle pendant le film. Ah, bah alors attends, non, mais moi je trouve que c'est juste. Alors, pour le coup, il y a quand même concurrence. Hein, mais je trouve que c'est quand même le personnage le plus insupportable. Ah non, on va en parler. Tu peux pas retirer la place de Gilles Lelouch. Non, on sera pas d'accord là-dessus. Cluzet, c'est juste l'homme le plus stressé du monde. C'est-à-dire qu'à aucun moment il est détendu, quoi. Le mec, il arrive direct dans son camp de vacances. Pourtant, il y a Brigitte qui a l'air, ma foi, fort sympathique, qui l'accueille. Mais non, il y a le gazon qui va pas. Quoi. Putain, j'avais dit le plus. Alors, petit pro tips pour vous chez vous. Pro tips, c'est une sorte de conseil pour vous chez vous. Pour jouer François Cluzet dans ce film, il suffit de serrer les dents. J'avais dit tout le plus, bordel, j'avais dit le plus. Mais Bonneteau, elle est pareille, elle est tout le temps pareille. Ouais, mais c'est Bonneteau, ça passe. Et franchement, c'est. Mais vraiment... moi, je déteste pas Cluzet et je trouve que c'est pas le pire du film. Mais vraiment. Franchement, moi, dès le début, j'avais ce truc-là. Attention, on parle pas du comédien, on parle du personnage, on est d'accord. Ouais, là on va. Parce que le comédien. Non, mais j'ai l'impression que vous faites un petit amalgame là. Moi j'aime bien l'amalgame en même temps, je suis pas vraiment d'accord avec. En même temps, avec Lelouch, je vais peut-être faire un petit amalgame. Mais en tout cas, moi dès le début, il y a remise en cause évidente de leur bande de potes. Comment un patron d'hôtel de 50 ans qui possède à peu près 25 millions sur son compte courant est ami avec un kiné qui possède une Dwingo et une chômeuse qui fume pète sur pète, quoi. Je veux dire, sachant qu'ils ont à peu près 20 ans d'écart, en plus, ils ne se parlent pas du film. Je veux dire, ils s'adressent pas la parole, ils se détestent. En même temps, parler sous la couette, c'est pas facile. Moi, je trouve pas que ça soit le temps, là. Encore une fois, je pense que ce film aurait vraiment pu être pire, et c'est pas le pire des films, mais c'est vrai qu'il y a un problème de cohérence sur comment ils se sont rencontrés, avec qui ils sont potes, et notamment, là on avance un petit peu plus dans le film, mais avec Jean-Louis, le gars, en fait, le gars qui est au Cap Ferret. Attends, on en parle pas tout de suite. Excusez-moi. On en parle plus tard de Jean-Louis. Mais il y a un problème de cohérence avec chapitre. Ouais, comment après, ils sont moi, amis, comment ils sont pas amis. Je suis pas sûr que ce soit si incohérent, parce que c'est tous les potes de Canet, en fait. Je pense que c'est la série, en fait. Ouais, là c'est cohérent. Elle est la cohésion, sauf qu'il leur a ajouté des petits... Bon, grosso merdo, enfin on est obligé de mettre les pieds dans le plat, il y a... le cliché du super nerveux, il y a du gros queutard, il y a le cliché de la meuf qui sait pas ce qu'elle veut, mais elle est super bonne, mais elle est défoncée. Tu parles de Cotillard, super bonne. Non, je parlais de Bonto. Non, il y a le cliché de putain, je suis mal dans ma peau, j'ai pourtant une vie parfaite et je suis beau gosse, mais juste je suis pédé à l'intérieur et ça me met trop mal. Donc clairement, je pense que Canet ne connaît aucun homosexuel, c'est certain. Et le cliché, et pour moi, c'est mon préféré, vous êtes pas d'accord, mais c'est Lafitte, quoi, le personnage le plus mal écrit de ce putain de film qui va te faire chier en à ton avis, elle m'aime ou pas, machin. Mais c'est juste, est-ce que t'as déjà parlé d'autre chose avec tes potes que de ça? Et pourquoi sont-ils tes amis? Et pourquoi ils t'ont amené en vacances? Et pourquoi t'es là, bordel? Moi je sais pas, ça m'a pas, il m'a pas, c'est pas lui qui m'a plus fait le plus. Moi, c'est pas maintenant qu'on parle de Jean-Louis, hein. Non. Ah, c'est cool parce que j'ai un. On parle pas de Nassim non plus. Nassim, on parle pas parce qu'on parle de Nassim. Non, mais c'est parce que t'as plein de ventes positives en toi, Greg. On va y revenir plus tard. On va y revenir. Parce que tous ces personnages, j'ai envie d'en parler. Je sens que les esprits s'échauffent. Mais ça monte. Donc ensuite, petite scène que j'ai notée avant que le film ne démarre. C'est la pub, ça, du coup. La scène extrêmement classique. Je veux dire, une scène que tu as vue dans tous les films français, une scène que je veux dire, bon nombre d'entre nous ont déjà vécu plusieurs fois. Écoute, ce soir, j'ai rencard avec une meuf que je ne connais pas. Ça te dit bien de m'accompagner? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, et on arrive. Ah oui. Et, ouais, ça te dit, on pratique l'ADP et j'abat le sperma tous les deux. Quoi. Genre, mais qui fait ça aujourd'hui? Et à qui ça arrive? Ben, Gilles Lelouch. Gilles Lelouch. Genre, le mec, c'est tout ton propre rôle, mais au moins, on est, qu'on ait des précisions, quoi. Moi, ça, ça m'est jamais arrivé. Et ce que j'adore, c'est le. Genre, c'est le. Déjà, t'as le premier lol, genre, ah ah ah, c'est la fille porno, lol. Et ensuite, le mec, au lieu de se dire. Bon bah clairement je vais lui mettre son tampon du siècle. Ok, faut que je me casse de ce plan galère et tout, c'est l'enfer. Attends, le mec il vient pour Ken, il a la meuf sur un plateau d'argent. C'est parce que son pote se barre. Tu me mets la misère ultime et lui fait oh là là, faut que je me tire de ce plan galère. Non mais attends, mais elle est où la logique? Bah, la logique il n'y en a pas, parce que déjà son trois trucs dans cette séquence, genre son pote vient mourir dans un accident scooter et ils sont tous les deux sans casque et ils roulent à l'eau. Le casque il est pas attaché, il roule à l'eau. Déjà. Après ils arrivent, la nana c'est Béatrice Dalle mais en blonde, genre on peut pas faire plus vulgaire, genre ouais c'est vraiment la meuf du porno quoi, tu vois. Et troisième, je sais plus ce que c'était, mais bon c'est pas grave. Ça suffit. J'avoue. En plus après il rentre et t'as le plan caméra, genre caméra GoPro sur le guidon. Où tu le vois, il parle à Cotillard, genre, ouais, vas-y, libère-toi, c'est bon, maintenant je suis free et tout, je voulais niquer, je suis tombé sur une actrice porno, du coup, j'ai plus envie de niquer. Genre, déjà, tu m'expliques la logique de ce mec. Et là, ensuite, on passe, transition ultime, sur Marion Cotillard. Alors, Marion Cotillard, j'ai essayé de retracer un peu son passé avec les éléments du film. Elle a l'air de bosser dans. Elle a l'air de faire de. Je sais pas, un truc caritatif. Humanitaire ou je sais pas. Je sais pas, parce qu'à un moment. Elle revient d'Amérique du Sud. Elle revient d'Amazonie. Et elle est Gwyn. C'est une ex-Gwyn aussi. Ah, je sais pas, j'ai pas compris. Et elle revient d'Amérique du Sud. Avec 35 heures d'enregistrement. 35 heures, c'est relativement peu. J'aimerais qu'on m'explique comment Marion Cotillard a un loft de 200 mètres carrés. Mais vraiment, c'est. Et pourquoi elle a Mathieu Chédid dans son film? Mais, et du coup. Mathieu Chédid qui a d'ailleurs bien fait d'être chanteur et pas comédien. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord. Ah oui, c'est un enfer. Ouais. Ah non, mais c'est un enfer. Mais alors, vraiment, autant je trouve qu'il a beaucoup de talent à la guitare, beaucoup de talent au chant. Joue bien la guitare, ça. Mais putain, mais c'est. Salut, ça va? On va machin? Non, mais putain, mais on lui a. Franchement, limite, il a soufflé de l'hélium, quoi. Mais au début, il voulait mettre sur le rôle de Nassim, mais en fait, après, il s'est inversé. Non mais bon, franchement, clairement, donc Marion Cotillard, donc elle se tape M, standard, tu vois, alors qu'elle est voodoo. Elle est probablement dans la meilleure association du monde, hein, qui a l'air de bien la payer. Et donc ouais, c'est ce que j'ai écrit, voilà, M joue comme une potatoes. Non mais ouais, mais c'est un truc de malade, hein. Elle joue comme une potatoes, ouais. Elle joue comme une potatoes. Ensuite, la scène, donc pour bien expliquer qu'elle est voodoo, elle rencontre une ex à elle, une black absolument magnifique, ouais. Qui est tout sauf voodoo. Et ensuite, ils partent au Cap Ferret, quoi. To the Cap Ferret. To the Cap Ferret. Là, on est quand même en stupeur instantanée face à la maison et à la demeure de François Cluzet. Alors, à ce moment-là du film, on s'est déjà tapé, je sais pas, 30 minutes. Ouais, bien 30 minutes. Ouais. Et on a déjà hâte que la fin arrive. Hein. Mais moi, je pensais que la fin, ça allait arriver à la fin de leur séjour en voiture, quoi. Nous disons, allez, on arrive au Cap Ferret, il y a la conclusion, quoi. Et ce qui est marrant, c'est. Juste pour l'histoire, ce qui est marrant, c'est qu'à partir de ce moment-là, dès qu'ils partent, c'est-à-dire qu'il y a un espèce d'énorme tunnel où on oublie complètement le gars. Plus le film avance, tu te dis oulalalala, ça sent le roussi sur la fin, je sens qu'on va avoir le mélo à la fin, quoi. Ah, on dit rien, on dit rien. On va pas gâcher la fin, mais. Non, je vais pas vous gâcher la fin. Hein. Donc là, François Cluzet dans son rôle arrive, gueule pour la blouse, gueule pour les marmottes, gueule pour tout. Lui, de toute façon, il n'y a pas une scène où il ne gueule pas. Pour moi, enfin, je trouve qu'il ressemble à Nessie Nilsson dans ce film. Vraiment, il a toujours les traits tirés, comme ça. Les autres ils s'amusent, hein. C'est une bande d'enfants en fait, c'est vraiment bizarre parce que t'as vraiment le mec richissime de 55 ans qui est là, qui est dans sa baraque de vacances et tu te demandes pourquoi il sort avec des ados qu'il aime pas quoi, enfin tu vois Gilles Lelouch, on va enfin en parler mais Gilles Lelouch et Marion Cotillard qui ont une vraie complicité dans ce film. Ouais mais c'est l'éternel du film, selon moi c'est l'éternel. Mais ils ont 25 ans, ils ont rien à faire là, vraiment ils ont rien à faire là et c'est genre la bande de potes, mais d'où, s'il te plaît, d'où? Ah bah peut-être d'acteur du cinéma français, mais dans ce cas-là, ça tient pas dans ce truc-là, quoi. Mais ouais, mais bon, il l'explique pas. Ouais, bon après, voilà, à la limite, on fait. Voilà, allez, tu vois, le truc, c'est que c'est l'histoire d'une bande de potes, donc c'est, comme je disais, c'est la recette fastoche, quoi, genre, tu sais bien que si tu vas foutre une bande de potes, tu sais, ils vont se disputer un moment, après ils vont rigoler, ils sont en vacances et tout, ça va toujours marcher, donc voilà. C'est une recette facile à côté de laquelle il passe, Guillaume Canet, parce que ça marche quand même pas très bien. Mais non, mais ça marche très bien. C'est la recette qu'il a ratée, quoi. Non, mais moi, je trouve que... Ouais, tu fais une bolo, il a loupé, raté. Moi, je trouve qu'il est cohérent et que ça se tient à peu près, même s'il y a plein de merde, mais ça a créé des émotions. par les procédés qui sont pas forcément francs du collier. C'est mauvais, ouais. Les procédés sont pas bons, mais je suis sûr que ça a créé de l'émotion. L'émotion a beaucoup de gens. Personnellement, j'ai ressenti zéro émotion, et pour une bonne et simple raison. Je parle pas de moi, hein, je dis en général. On va rentrer un peu dans la critique, bon, je suis désolé, mais le problème, c'est qu'il essaye de nous attacher à des personnages qui sont pas attachants une seconde, en fait. Mais c'est tous des caricatures. Tu sais pourquoi ils sont attachants? Parce qu'en fait, moi, je vois. Ils sont pas attachants. Moi, je vois vraiment ce truc-là. Ils sont tous les cinq autour d'une table en train de bouffer des huîtres un été, et ils se disent. Chiche, on le fait, ce film sur l'amitié, nanana et nanana. Et là, il a fait, ouais, ok, bon, pour le réalisme, il faut qu'on change nos professions. Alors, toi, tu seras dans une asso, toi, tu seras machin, et nanana. Ouais, mais ça explique pas qu'on soit dans une putain de baraque. Bah, c'est simple, on va prendre un. Il faut qu'il y en ait un baraque nous, qui soit bâti riche. Du coup, bah, toi, tu seras propriétaire d'un hôtel. Mais ça n'a aucune cohésion, enfin, ils ont pas le même âge, ils ont rien. Ouais, enfin, tu vois, c'est. Franchement, c'est bande à elles sont existées, mais que par des acteurs. Ils passent leur temps à s'engueuler, quoi. Enfin, moi, on me propose de partir avec eux, c'est hors de question. Hein. Moi, je préfère. Mais ça, c'est la recette du film d'amis. Tu sais qu'il t'es obligé qu'il s'engueule à un moment. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas bien parce que. Mais la recette, elle est toute faite. Et moi, je trouve qu'elle est cohérente. Le problème, c'est que je ressens zéro compassion pour ces personnages-là, quoi. Zéro, quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai pas du tout été. Même pire, c'est qu'au bout d'un moment, tu les détestes. Mais le pire, c'est que je pense que pareil, tu parles à Guillaume Canet, il te fait ouais, bah, c'était les faire chercher, tu vois. Bah, ouais, mais le problème, c'est que là, je les déteste tous. Enfin, j'ai même pas envie de les voir évoluer, j'ai même pas envie de les voir grandir. Et surtout, je trouve que. Ils évoluent pas. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, ils évoluent pas. Mais le problème de ce film aussi, c'est que dès les premières minutes, t'as tous les caractères des gens. Ouais. Et après, ça n'évolue pas. Genre, ouais, Lelouch, il fait le connard du début à la fin. Cotillard, elle fait sa Cotillard du début à la fin. Cluzet, il gueule du début à la fin. Et Magimel, il est pas bien du début à la fin. Les gonzesses, elles n'existent pas du début à la fin. Ouais, c'est en fait, ça n'évolue pas du tout. On avance parce que là, sinon, on va partir sur une critique très constructive de ce film qu'on sent. J'ai l'impression que nos auditeurs se rendent compte qu'on déteste. C'est pour être objectif. Il y a un truc, donc évidemment, donc, comme il est richissime, il y a grosse baraque, il y a bateau, il y a tout. Mm-hmm. Et là, évidemment, il faut le contre-pied parce que tu vois, sinon, on est quand même sur un film que tout le monde va critiquer, un mais c'est que des gens riches et tout. Et donc là, on introduit quand même le personnage. Il fallait mettre des provinciales aussi, du film. Donc il n'est pas matérialiste, il joue de la guitare. On est déjà là. C'est déjà là. Le on vieux à huître. Ah oui, le vieux, mais il joue de la guitare. Si, il joue un peu de guitare, Jean-Louis. Ah non, mais c'est la scène où il apparaît. C'est la scène où il apparaît. C'est-à-dire que la scène où il apparaît, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de machin. Il y a plan, on le voit jouer de la guitare, il termine. Non, c'est faux. Ils arrivent dans la baraque et au bout d'un moment, ah Jean-Louis, ça fait longtemps, machin. Et moi, je voulais parler de Jean-Louis parce que Jean-Louis, c'est un personnage qui me tient à cœur. Ah oui, ils arrivent en bateau d'ailleurs chez lui. Fait très important. Attends, le mec habite au Cap Ferret, la baraque qu'il a, elle est à 20 mètres de la baraque de Jean-Louis, quoi. Mais il va en bateau. En plus, le mec, ton bateau. À chaque fois, ils vont là-bas le voir en bateau. Ils sont pas foutus d'aller le voir en bagnole. Par contre, il y a un truc qui me perturbe dans ta chronologie, c'est que on va voir Jean-Louis alors que Nassim est déjà arrivé dans le film. Il arrive assez vite, Nassim. Non, il est après. C'est vrai? Il est après. Ah bah excuse-moi. Pourtant, c'est. Il est après. Dans l'ordre, il y a le vieux à huître. D'accord. Qui joue de la guitare. C'est Jean-Louis, hein. Il s'appelle Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Il finit de jouer son morceau de guitare et il fait. Je l'ai composé. C'est un nom, genre c'est Émilie. Et c'est voilà, je l'ai composé pour toi parce que je suis ton parrain, quoi. Donc là, on comprend déjà, grosse relation entre François Cluzet et le vieux à huître. Donc c'est un personnage quand même encore plus insupportable que tous les autres. Hein. Non, ouais. C'est pas le pire. Enfin, je sais pas. C'est pas le pire parce que en plus, autant les autres, ils existent et ils sont insupportables. Autant lui, il n'existe pas. Non, attends. Juste. C'est un personnage qui est un petit peu attachant, puisqu'on sait que c'est pas un acteur professionnel, machin, ah bref. Bon non, c'est pas un gars de. Ah bon, c'est pas. Non. Enfin, après, tu me dis que c'est un copain de Canet qui lui file des huîtres gratos, j'y crois, tu vois. Je pensais que c'est un acteur. Non, c'est pas un acteur. Je crois pas que c'est un acteur, il ne le pas. À vérifier, mais vu sa prestation de comédien, j'espère pas pour lui. Enfin, bref. Moi, je sais pas, ça m'a pas choqué. Moi non plus, ça m'a pas choqué. Ce qui est drôle, en fait, c'est que t'as toujours le même problème de cohérence. C'est-à-dire que. Jean-Louis, c'est le gars des vacances. Donc on sait qu'il se voit que pendant les vacances. Pourtant, Jean-Louis, il connaît tout le monde. Il est super attaché. Quand il arrive, il lui fait des bisous. Alors, peut-être que ça fait 20 ans qu'ils vont en vacances dans la même baraque. Apparemment, c'est ça. Et c'est un peu bizarre quand même. Et quand il apprend que Ludo est à l'hôpital, il est bouleversé parce que. Faut dire qu'il a quand même vu 2 semaines et qu'il a mangé des huîtres avec lui et qu'il a bu du vin blanc. Ouais, puis il a vu déguisé en femme, je veux dire. Et à côté de ça, Jean-Louis, en plus de ça, c'est l'incarnation du bon gars, quoi. Tu sais, il est du terroir, quoi, voilà. De la terre. Ouais. Tu vois, il a des valeurs, il va pêcher, il est pas contre, tu vois, prendre son couteau, couper un bon bout de pain et partager un bon gueuleton avec les machins, c'est vraiment le bon gars Jean-Louis. Sachant qu'à partir du moment où on voit Jean-Louis à l'écran, jusqu'à la fin du film, on ne va manger que des huîtres. Non mais vraiment, ils ne vont faire que bouffer que des huîtres tout le temps. Et je suis content de pas aimer les huîtres, parce que sinon ça m'aurait vraiment fait chier, quoi. C'est vraiment le truc noble, ils ne bouffent que ça. Mais non, ils sont là-bas, c'est normal. Elles fument pète sur pète, elles boivent verre de blanc sur verre de blanc. Elles fument des roulés, mec. Non, elles fument que des pètes. Elles fument des pètes et des roulés. Apparemment, elle était sur 180 grammes de bœuf par jour. Hein. Ouais, ouais, non, mais clairement, pour ce qu'elle fume, à mon avis, elle a ramé une valise de bœuf de Paris, parce que à mon avis, elle... Alors non, justement, en fait, le problème, c'est qu'elle est venue planter sa bœuf 6 mois avant de partir en Amazonie. Le problème, c'est que ça attire les fouines. C'est ça qui attire les fouines. D'ailleurs, ça amène quand même la scène d'après. Et là, on a l'introduction du personnage le plus important du film, qui est le sportif. Ah. Nassim. J'ai vos énergies, les gars. Qui est insupportable. Mais je sais pas, moi, quand il arrive, la première scène, je me dis, wow, c'est le pire acteur du monde, à mon avis. Et pour le coup, et je pensais pas ça de Jean-Louis. La même chose, ouais. Et je pensais pas ça de Jean-Louis. Ouais. Mais par contre, de Nassim, je me suis vraiment dit, ok, c'est vraiment un pote à Canet, quoi. Genre, pour le moi, je pense que c'est son coach sportif. Ah, c'est possible. Moi, je pense que c'est son coach sportif. Moi, je suis quand même. Ils font des blagues sur lui de temps en temps, genre, oh mec, t'es trop pisse. On va te mettre dans un film et ça va être la blague avec le riz, tu sais, le riz où genre, oh, faut lui dire des choses gentilles. Ouais, ouais, ouais. Et machin, bon, ça, on n'en revient pas dessus, c'est insupportable, mais. Moi, je suis quand même étonné de pas l'avoir vu, je sais pas, chez Scorsese ou. après, quoi, je comprends pas pourquoi il a pas fait carrière. Mais tu sais que c'est le méchant dans Batman 2. C'est lui qui joue pas moi. Non, mais je sais pas, Nassim, en fait, c'est son ton, tu vois. C'est... Oui, bonjour. C'est juste l'homme le plus sûr du monde. Non, mais d'ailleurs, il a été élu l'homme le plus sûr du monde après Julien Courbet. En 2013, ouais. Tu vois, vraiment, ce mec-là, non, mais moi, je pense, parce qu'en plus, il y a une mise en abîme plus tard quand Lelouch, évidemment, dans son propre rôle, va l'imiter. Tu sais, à un moment, il va l'imiter. Avec les graineries et tout. Il va dire en imitant l'achat. Et donc, du coup, il y a ce côté-là. Ok, donc il n'était pas sérieux en nous présentant ce rôle-là. Tu vois, en nous montrant des personnages du film qui se moquent de lui. Mais dans ce cas-là, pourquoi le jouer jusqu'au bout? Oh, tu ferais bien de courir, hein, ça te ferait du bien, hein, des bonnes énergies, machin. Là encore, hein, chacun son point de vue, mais moi, ce personnage m'a vraiment énormément irrité, quoi. Ouais, un parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Ouais, un parmi tant d'autres, mais est-ce qu'on arrive à peu près au moment où il y a notre ami musicien qui est Yodelis, hein, je crois que c'est Yodelis, hein, le gars. Je sais plus comment il s'appelle. C'est l'artiste. T'as une espèce de camé dépressive, fumeur de pétard, seul, qui a rien construit dans sa vie. Elle rencontre le pire beau gosse qui joue de la gratte, qui a une putain de carrière et qui l'a rejoint jusqu'en dans ses vacances. Elle en veut pas. Elle en veut pas. Attends, elle se tape Mathieu Chélide. Elle en veut pas. Et ce qui est encore pire, c'est que là, on a vraiment du grand Cotillard, tu vois. Parce que lui, il arrive, il plaît à tous ses potes, il joue de la guitare, et elle, ça lui plaît pas. Elle débarrasse. Du coup c'est elle comme énervée. Ça qu'elle montre que ça lui plaît pas. Elle débarrasse. Elle débarrasse, et elle débarrasse tout super vénère, tu vois. Et là, on a vraiment une performance d'actrice qui est vraiment fabuleuse. Ah, mais elle souffle, elle met les yeux en l'air. C'est vraiment... Elle a tout, quoi. En fait, c'est le problème de ce film aussi, et même si je pense encore une fois que c'est pas le pire du monde et qu'il est quand même cohérent du début à la fin dans son style, c'est que tous les personnages sont surjoués et toutes les émotions sont surjouées et tous les caractères sont taille une ligne droite du début à la fin et exagérés. Ce que je trouve un peu paradoxal, c'est que Guillaume Canet est un comédien, mais il sait pas diriger des comédiens en fait. Mais je sais pas, moi je comprends pas qu'il l'ait pas senti en fait. Moi justement, je pense qu'il sait pas, il sait peut-être diriger des comédiens, mais il sait pas diriger ses potes, quoi. Pour moi, c'est vraiment, il est avec ses potes. Il lui dit, ok, ton rôle, t'es un dépressif. Oh, je suis un dépressif, ok, n'hésite pas à en faire et tout. Ouais. Parce qu'en fait, il sait pas ce que c'est qu'un vrai dépressif. Il sait pas ce que c'est qu'un vrai con comme Laurent Lafitte. Tu vois, il y a juste. Et quand il voit Lelouch jouer, il se dit pas, ouais, personne n'est comme ça à part Lelouch, quoi. Tu vois, parce qu'on peut en parler de lui aussi, quoi. Je sais pas, Greg, un petit truc à nous dire. Non, je finis juste sur Cotillard parce que, avec ce musicien Yodelis, notre ami, qui justement, au moment où il va la larguer, après cette chaîne d'anthologie de Cotillard, au moment où il va la larguer, tu sais, le mec il est super gentil et tout, et puis tu sais, il pose sa guitare, et au début, quand il arrive, il dit, ouais, c'est une Gibson, je sais pas quoi. Déjà, quand t'as un titre à la Gibson, c'est probablement une Gibson qui coûte 4000 balles. Et là, il fait, non, c'est bon, je te la laisse, mais je sais pas en jouer. Ouais, bah, c'est l'occasion d'apprendre, tellement je suis cool, je te la laisse. En gros, je te laisse 4 500 € de guitare, et puis t'en joueras pas, quoi. Sachant que le mec n'a pas fumé un pétard, tu vois, alors que c'est impossible, vu comme il est cool, quoi. Donc après, le film, c'est vraiment un film de vacances. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de construction, il n'y a plus rien. Là, tu les vois bouffer des huîtres, tu les vois faire du wakeboard. Une scène qui dure d'ailleurs 2 heures. Hein. Enfin, le wakeboard, il met Creedence Clearwater Revival. S'il y a une chose peut-être à sauver, c'est éventuellement la BO, mais qui colle pas du tout au film. Ça colle pas, mais après, il a des bons goûts. Hein. Mais il y a vraiment ce côté-là, putain, Tarantino il met des bonnes musiques, ouais, faut que je mette des bonnes musiques. Et sauf que ça va pas du tout, quoi. Et donc à chaque fois. Sauf que sur des mecs qui bouffent des huîtres, ça marche pas. À chaque fois qu'il met une musique de soul, hop, c'est le montage, on y a droit. 2 minutes où il y a que de la soul et ça s'enchaîne, et il fait une ellipse narrative de dingue. Oui, ça c'est. Et c'est insupportable, il en fait 8 pendant le film. C'est-à-dire qu'il fait toujours ces petits clips, genre, tu sais, petite scène où tout le monde parle, et au bout d'un moment, tac, musique, et là, on va faire une petite virgule, une petite respiration. Donc là, on va mettre de la soul. Là, on met de la soul. Parlez, parlez, dites n'importe quoi, de toute façon, on entendra de la soul. Ouais, c'est dur, c'est dur. Et d'ailleurs, Cotillard, là, elle fait encore une autre performance où elle est énervée, tu sais, quand elle est dans l'eau, parce qu'elle est tombée dans l'eau. Elle envoie chier tout le monde. Moi, je trouve qu'elle joue bien, là. On dirait ma sœur, moi, j'ai trouvé ça. Vraiment, si ma sœur, elle se vénère, je te promets que ça ressemble à ça. Mais j'ai l'impression que c'était pour mettre du réel, genre, faut vraiment, tu vois, Marion, faut vraiment que tu sois énervée, là. Faut vraiment que tu sois bien énervée. Et du coup, elle est ultra vénère, mais je pense qu'elle est ultra vénère comme ça dans la vie. Moi, je suis sûr qu'ils lui ont filé un excitant. J'en sais, on dirait vraiment un chien. Et du coup, quoi. C'est encore performance. Mais, et alors donc après ça s'enchaîne donc wakeboard, bah, tout ce que tu peux faire au Cap Ferret, donc c'est tu peux faire du foot, huîtres. Tu peux manger des huîtres, tu peux faire du wakeboard, tu peux passer le permis bateau. Est-ce qu'on peut parler de cette scène et de Laurent Lafitte ou pas? Je veux pas en parler. Non, non, c'est le pas. Moi je crevais d'envie d'en parler quoi. Bon bah vas-y. Ah bon, on sent pas du tout que le bateau il va aller s'envoler sur la berge quoi. Oh, putain, oh désolé, ça non, sonne, surtout... ça sonne, c'est Christine, je dois absolument décrocher le téléphone, ça sonne quoi. Non, puis surtout quel souvenir à raconter aux enfants. C'est ça qui est merveilleux. Non mais donc ça c'est donc c'est là après c'est hyper décousu. Et donc du coup je propose qu'on revienne sur les personnages un par un et leur relation au groupe, qui est quand même un groupe extrêmement soudé. Ah oui, oui. Sachant qu'on a, encore une fois de plus, oublié totalement Ludo qui est en train de crever tout seul. Mais ça, c'est, t'inquiète pas, parce qu'il y a Jean-Louis, le vieux aux huîtres, qui va nous le rappeler bientôt. Il y a pour moi, là, il y a la première question qui se pose, c'est la relation entre Laurent Lafitte et les autres. Comment ce mec est ami avec les autres? C'est un peu le moment-là de la bande. Non, mais à ce moment-là du film, il ne parle qu'à Lelouch. À personne d'autre. Hein. Il n'a parlé qu'à Lelouch et Lelouch, il le gonfle. Tu vois donc. Non, parce qu'il parle un peu de ses déboires sentimentaux, un peu tous les personnages, quoi. Il fait chier tout le monde en fait. Oui, il fait chier tout le monde, mais en gros, pourquoi il est là Question. Mais parce qu'il n'a pas pensé en bande de potes, mais plutôt en. Ah bah, il me faut le bouffon, le mec est un peu couillon. Bon, non, mais c'est ça, voilà. Michel Leb, quoi. C'est là. J'avoue. J'ai vu ensemble trop. Ouais, bah, courtement, je crois. Donc, la relation Magimel-Cluzet, donc ça c'est pareil, enfin l'homosexualité, moi je la. En fait, c'est simple, Cluzet ce serait un personnage qui est doux et qui se vénère quand on parle d'homosexualité, je peux y croire. Mais le mec il est tellement tout le temps nerveux qu'en fait tu te dis, oh, bah c'est normal quoi, enfin je viens, même tu serais pote avec lui, il est vénère quoi. Ah, moi ça m'excite un peu, mais bon après. Magimel il est mielleux, mais il est pas si mal. Non, il est pas si mal, hein. Ah, il est pas si mal. Et moi je trouve qu'il joue bien en fait hein, dans ce film. Ouais, en même temps, c'est pas non plus un rôle de composition, hein. Il est juste là en vacances, mais. Tu vois, faut juste être naturel pendant ton film de vacances, ça on peut tous le faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Et pour moi, alors avant la relation entre Marion Cotillard et la Weed, une des plus belles relations de ce film, c'est entre Lelouch et sa meuf, quoi. La scène à l'aéroport. Ouais. Pareil, je veux pas en parler, moi. La scène à l'aéroport, donc l'ellipse avec de la soul, je sais plus ce que c'est. Il va la chercher. Alors la meuf vient à Bordeaux en avion. Ouais. Alors déjà, pourquoi tu viens en avion à Bordeaux? À la limite, t'es pressé, mais bon, voilà. Pour te dire, ouais, en fait, je vais pas venir pour prendre l'escalator, ok? Donc ça, j'ai pas capté. Et ensuite, il va sous sa fenêtre. Donc la meuf, c'est pareil. Elle ah, mais ça, c'est à la fin. Ouais, mais ça s'enchaîne. Ça, franchement, ça s'enchaîne. Il va sous sa fenêtre. Elle habite place de la Résistance, premier étage d'un appartement. Elle habite dans, en fait, c'est même pas ça, elle habite dans un décor de Paris. Ouais. Le truc, c'est un musée, en fait, tu sais que c'est au patrimoine national, tu peux pas éviter. Elle habite là-dedans, elle habite sur une place en plein été, elle a les 5 fenêtres de son appartement avec 5 mètres de plafond, grandes ouvertes, pour bien entendre l'eau gueuler. Mais ce qui peut permettre aussi d'escalader tranquillement. Ouais, tranquillement. La petite échelle, c'est pas une échelle, mais bon, c'est comme si c'était une échelle pour aller jusqu'à son appartement. Moi je m'attendais vraiment à entendre un truc The 4, the 6, nanana. Alléluia! Vraiment, je t'attendais quoi, celle-là quoi. Par contre, quand tu vas réécouter l'enregistrement, tu vas regretter d'avoir chanté. Je pense que je vais vanner. Donc là, et Lelouch, on peut quand même en parler. Lelouch, il joue pas. C'est le seul mec du film et qui voilà, ne joue pas. Et voilà. Et voilà. Il est c'est... Lelouch. Ouais. Mais alors, du coup, il a l'air détestable. Ouais, mais je pense que ce gars-là est vraiment détestable. Et du coup. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il est marrant. En fait, je pense que c'est notre pote, il est marrant. Non. Je pense que si c'est mon pote, il me fait trop chier directement. Et je pense que bourré, il doit être insupportable. Ouais, mais ça, c'est aussi notre bourré, il doit être insupportable. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions sur lui. Et après, j'ai essayé de trouver des vidéos où il parle en vrai, tu vois, où il fait des interviews. Mais bon, bah. Ah, t'es allé aussi loin, d'accord. Ouais, parce que. Après 2h30 de petit mouchoir, t'as trouvé quand même la force. Non, j'ai fait des pauses. Ah oui. J'avoue, j'avais pas dit ça. Mais c'est-à-dire que ce mec m'insupporte tellement que j'étais obligé de voir s'il était vraiment comme ça dans la réalité. Et malheureusement, je crois que oui. Et je crois qu'ils volent pas très très haut le. Ouais, le après, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas vraiment envie de parler sur les acteurs. On parle déjà beaucoup trop sur ce film. Ouais. Et pour moi, le personnage, je pense, franchement, le moins réaliste de ce film, c'est. En vrai, Cotillard, c'est une personne qui fait dans les assos en Amérique du Sud, qui fait pète sur pète, qui boit verre de vin sur verre de vin. Donc elle est alcoolique, dépressive, tout ce que tu veux. Alors déjà, premièrement, elle a pas la gueule de Marion Cotillard. Ouais, elle a pas cet appart. Elle a pas ses potes. Elle a pas le succès de Marion. En fait, en vrai, c'est une femme seule qui meurt, quoi. À aucun moment, elle existe dans cette putain de bande d'amis qui est là. Et en plus, tout le monde s'attache à elle alors qu'elle déteste tout le monde. Ouais, elle est moins sociable. Ouais. Enfin, je veux dire, moi, cette meuf, si j'ai pas envie de la baiser, au bout d'un moment, je dis, écoute, Marion, tu commences à me casser les couilles, quoi. Et arrête de fumer des pets parce que ça pue dans toute la maison. Enfin, non, mais ça doit être un j'ai pas trouvé son chien. En plus, il y a des petits c'est dans la baraque. Les petits, ils apparaissent une scène sur deux, c'est parfait. Hein. Non, ils apparaissent quand ils se font engueuler. Si Clusé, il est vénère, ils sont là. Mais sinon, ils sont tranquilles, ils sont gardés. Vraiment, voilà. Et donc là, franchement, c'est vraiment un medley de scènes qui ne veut absolument rien dire. Et on arrive. Ah puis c'est long surtout quoi. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est que c'est hyper répétitif, c'est long. Voilà, on va en vacances, s'engueuler en plus. De vacances. Donc après, il y a le film où on mate Jean Dujardin sur des vidéos. Ah, le moment émotion. Attention. Émotion, donc voilà, il danse à Want to Break Free ou je sais plus quoi, ou même pas, voilà, pour montrer notre raffinement, c'est une musique disco que personne ne connaît à part eux qui l'a trouvé sur un vinyle. Mais alors d'ailleurs, je trouve que Guillaume Canet a un certain talent, c'est que moi, Jean Dujardin, c'est quelqu'un que je trouve plutôt marrant quand même. Moi j'adore, je suis content d'ailleurs que ce soit dans une, je suis content que ce soit le blessé dans une. Et du coup, même Guillaume Canet arrive même à rendre Jean Dujardin pas drôle, quoi. C'est vrai. Ah ouais, mais je pense que. Je pense que s'il avait fait un autre rôle, il aurait fait le rôle de Gilles Lelouch. Oui, Gilles Lelouch. Ah bah ouais, il aurait fait Lelouch. Ouais. Bah c'est un peu des personnages qui sont similaires. Voilà. Bah, en même temps, il aurait fait Mario Cotillard avec beaucoup de maquillage. Et alors la scène où Jean-Louis Moralisateur, parc à huîtres. Et vous êtes tous en train de vous marrer là, votre bande de potes, alors que vous êtes tous en train de vous mentir. Et là, c'est insupportable. Ah, c'est et là, il est mort. Et voilà, il est mort ce matin, Ludo. Il est mort tout seul. Ouais, ouais. Et alors là, voilà. Non, mais ce qui est encore pire, c'est que tu vois, ça sort de nulle part. Genre, et toi, avec ton portable, tu nous as fait chier toute la semaine. Et là, t'as une réplique. Là, je m'en rappelle vraiment de celle-là, comment il s'appelle Lafitte. De Lafitte. Ah, vous en souvenez en plus. Hein. Non, mais attends, et pour le coup, je trouve. Non, mais attends, Jean-Louis, ça n'a rien à voir là. Bam. Il est mort. Il est mort, putain. Et là, mais c'est pour ça que c'est, tu vois, Jean-Louis, il a vraiment le rôle du bon gars, tu vois. Le gars à qui on peut pas faire d'approche, tu vois. C'est lui qui se rend compte des et choses. Et toi, Max, avec tes cadeaux, tu crois que j'en ai quelque chose à foutre de ton moteur? Oh putain, est-ce qu'on peut parler de cette scène du cadeau? Non, il faut absolument parler de cette scène du cadeau parce que je pense que ça vous est tous arrivé de recevoir un cadeau qui ne vous est pas plaisir. Ouais, enfin, si je reçois un moteur. Mais j'ai pas de bateau, il ferait plaisir sans moteur, sans déconner. Attends. C'est un 4 temps. Attends, mec, c'est un X80, un Yamaha, mec, ça vaut 4000. Enfin, dans les cas, on reçoit un cadeau qui ne fait pas plaisir. Oh, on a un peu toujours les formes. Bah, ouais, lui, il fait pas. Alors, lui, sans concession, quoi. C'est. Ouais, mec, tu crois quoi? Moi, j'ai les bras ou quoi? À la foule, votre moteur. Ils se prennent quand même dans les bras à la fin, c'est beau. Mais c'est pour ça que c'est le garanti. Ce qui est marrant, Jean-Louis, on l'a tous imité avec un accent différent, quoi. On a vu le sud, le sud-ouest. Et moi, j'ai fait un petit peu belge, donc on va se faire ma gueule. Il y a vraiment qu'il est mal, votre ami. Donc là, transition. Alors, sans transition, du coup, parce que je dis transition, mais c'est faux. C'est faux, scène finale. Directement, on est sur. Tout le monde arrive. Alors, l'autre connard qui arrive en cache-caille ou en je sais plus quoi, en Q7. Donc son attends, tu parles de quel moment L'enterrement. Attendez. Ne nous battons pas. Pourquoi Guillaume Canet n'arrête pas son film au moment où on apprend la mort de Dujardin? Je vais te répondre. Est-ce que je peux te répondre? Ah bah vas-y, je peux te répondre. Tu peux il arrête pas son film à ce moment-là parce qu'il a un petit plan derrière la tête qui trotte depuis le début. Parce que il faut que je fasse pleurer les gens ou quoi. Je l'ai et pas c'est fait. Et c'est-à-dire que moi j'ai chronométré la scène à partir du moment où Jean-Louis dit il est mort et le moment où le film se termine. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est que des pleurs. Et là, ça dure c'est exactement ça. C'est ça. 13 minutes. C'est-à-dire 13 minutes de pleurs où il n'y a pas de dialogue, où les gens pleurent. Ça paraît beaucoup plus long. Il y a l'enterrement, il y a le machin, il y a les gens qui apprennent. Tout le monde pleure, tout le monde rigole parce que finalement, tu vois. Enfin, tu sais, il y a des sourires. C'est de dingue. Enfin, là, il va faire double montage. Il va faire montage pour toutes les voitures qui arrivent à l'enterrement. Et ensuite, montage après l'enterrement avec. Genre, pareil, la chanson, ils se prennent dans leurs bras, ils pleurent dans tous les sens et ça se termine, quoi. On est dans le pathos à 200%, quoi. 12 minutes de ça, c'est pour ça que je dis que ce film. est cohérent dans le fait où il arrive à donner des émotions. Évidemment, quand tu fais 12 minutes de gens qui pleurent où il y a des émotions, forcément, au bout d'un moment, bah, tu peux te laisser prendre un petit peu aussi. Ah ouais, alors moi, mais justement, là où c'est pas cool, c'est que c'est des procédés, justement, le même procédé, 12 minutes, bah, au bout d'un moment, c'est un peu triché, quoi. C'est-à-dire, si je te monte 12 minutes de. Moi, je montre un boulard pendant 12 minutes, tu bandes, hein. c'est certain. Non, parce que je suis précoce, moi, du coup, au bout de 30 secondes. C'est fini. Et après, 11 minutes 30, je suis tranquille. Je suis détendu, je suis bien. Non, non, mais ceci dit, 12 minutes de ça, c'est trop. Non, non, mais c'est long, c'est un sur-là. Mais... Ah, puis on a droit à tout, quoi. On a droit au discours. Attends, attends, l'enterrement, pour moi, l'enterrement, ça commence par les voitures. Parce qu'il a vraiment ce truc-là social, le kiné qui arrive en Twingo. Alors, déjà, pour bien se planter, franchement, j'aurais plus vu Marion Cotillard en Twingo que le kiné. Mais Cotillard. Mais non, c'est cohérent. Cotillard, elle a pas de bagnole, elle est avec l'autre. C'est la grosse bagnole de Lelouch qui est riche, il fait trois téléfilms, mais bon, lui, il a une bagnole de dingue. Et puis, alors, on la fit dans une grosse boule gonflable. Le Lelouch, il fait trois téléfilms, mais il a un coupé sport. Donc, on arrive, voilà. Là, ils se prennent dans leurs bras et tout, machin. Et alors, c'est un enterrement, moi j'ai fait quelques enterrements après, je vais pas en parler des heures, mais moi, généralement, il n'y a pas les six meilleurs potes du mort qui vont vers le cercueil et qui font un discours devant tout le monde, quoi. Surtout sans chialer, quoi. Surtout ses ex. Enfin, ouais, son ex qui est là. Enfin, et surtout, tu vois, ils tiennent le truc, ils font le machin, et alors après, t'as... Celle de Jean-Louis. Ironie du sort. Non, on va revenir sur Jean-Louis. Oui, parce que Jean-Louis revient, là, c'est cool. C'est cool, ouais. Parce que Jean-Louis fait son perso. Mais ironie du sort, c'est que le pauvre Ludo, il est mort à Paris pendant que ses potes étaient au Cap Ferret tranquillou, en vacances, c'est-à-dire qu'il était en train de crever tout seul là-bas. Et où est-ce qu'ils vont l'enterrer? Ils vont l'enterrer là où ils vivent pas, là où ils viennent une semaine ouais, par mois. Il l'enterre au Cap Ferret. Il l'enterre au Cap Ferret. J'ai regardé les plaques d'immatriculation, c'est à Bordeaux, ouais. Mais oui, c'est vrai? Mais ouais. Oui, moi aussi j'ai regardé. Il a même pas réussi à me faire comprendre ça, Guillaume Canet, quoi. Du coup, c'était bien. Mais bon, je pense qu'il s'en fout. Mais du coup, c'était qu'il n'aura jamais de chrysanthème à la Toussaint parce que personne sera au Cap Ferret à la Toussaint. Mais c'est surtout, pourquoi? Parce qu'après, on va parler de Jean-Louis, mais il y a tout un truc qu'on ramène. Le sable, parce que alors moi j'ai lu plein de trucs, j'ai lu plein de commentaires sur enfin il faut qu'on parle de Jean-Louis donc, oui, qui arrive avec son Kangoo ou son Express là, je sais pas quoi, qui arrive à l'enterrement et qui déverse son sac de sable. Alors je sais pas si vous avez regardé, juste un petit détail sur les accessoires. Le mec, il arrive en short à l'enterrement. C'est-à-dire que c'est limite s'il est pas en slip de bain avec sa planche de surf. Et personne ne gueule. Mais non, mais il est comme ça. Il arrive et tout le monde le connaît. Ah, c'est son perso. Nature, il est nature, Jean-Louis. C'est son perso. Il arrive, il a pas fait un effort. Il a un sac de sable infini. Parce que ça, vraiment, ça coule longtemps quand même son sable, non? Autant que c'est là. Il arrive avec une pelleteuse, en fait. Le truc énorme. Et alors, surtout, moi, j'ai lu des commentaires genre magnifique la symbolique où il vient avec son sable pour sécher les larmes. Ah, moi j'en ai lu un autre qui parlait du temps qui coule. Voilà, du temps qui coule et des machins. Moi j'aime bien aussi le côté ouais, bah en fait on te ramène à ta terre, tu vois. Mais le problème c'est que Jean Dujardin, à part avoir passé trois étés sur cette putain de plage, il y a jamais vécu, il a jamais rien fait là-bas, quoi. Mais pourtant ça a rendu Jean-Louis très très triste, hein, la preuve. Hein. Ah, mais Jean-Louis il est bouleversé, quoi. D'ailleurs, ce qui paraît, Jean-Louis il a pas ramené le sac de sable pour sa mère, mais par contre pour Jean Dujardin il l'a fait. Mais bon. Mais tu remarques d'ailleurs, enfin je sais pas si j'ai vu à la scène notamment. Il dit pas bonjour, il dit rien, il fait trois accolades, il met le sac de sable et après ça il pleure en même temps. Ouais, après ça il pleure et machin. Non, il pleure et il sourit. Non mais en plus même là il est Sean Penn, il est moralisateur, quoi. Tu vois, il les regarde genre il verse son sac de sable, putain mais ça va, tu peux dire j'ai bonjour. Pas trouvé, j'ai tu peux pas t'expliquer trouvé. Parce que déjà je pense que t'as tout le service d'ordre qui fait dans les monsieur en short clodo là avec ton tu rentres chez toi et ton sac de sable on en a pas besoin, quoi. Enfin tu vois, et personne ne dit rien, quoi. Et là après donc magnifique plan final, musique, the end. Infernal, hein. Donc vrai. Là, c'est, dit comme ça, c'est déjà long hein, quand nous on l'explique, mais faut en fait, le problème de cette scène, en plus, il y a un espèce de champ contre champ entre le sable qui tombe sur le cercueil et la gueule de Jean-Louis en train de pleurer. Enfin, moi, honnêtement, cette scène, elle m'a fait marrer, quoi. Elle a juste fait l'inverse de ce qu'a voulu Guillaume Canet, c'est-à-dire que j'ai pas du tout été ému, ça m'a juste fait rire. Quoi. Moi, franchement, à ce niveau-là, j'étais tellement saoulé que franchement, j'étais sans émotion, quoi. Moi, j'étais ému. Ouais, mais toi tu l'as maintenant deux fois, quoi. Mais non, j'étais pas ému, mais bon, qu'est-ce que je te dise, c'est cohérent, il a fait son film, je trouve que son film, il dit pas qu'il est bien, il dit qu'il est cohérent, son film, voilà. Moi je trouve qu'en fait c'est pas une question de cohérence ou d'incohérence, je trouve juste qu'il passe à côté de son film, dans le sens où les personnages, tu peux pas t'identifier à eux, parce que de toute façon c'est des cons de A à Z. Tu ressens aucune émotion parce que t'as aucune compassion pour ces personnages-là, ils passent leur temps à s'engueuler, c'est pas un groupe de potes. Du coup, c'est absolument pas émouvant du début à la fin, quoi. Ouais. Absolument pas, tu te marres pas et tu pleures pas, quoi. Donc, ouais, mais je pense qu'avec son procédé de marteler les personnalités, l'amusement et la tristesse, ça peut marcher, quoi. Ouais. Et du coup, les gens en pensent quoi alors? Ah, alors, les critiques. Donc, c'est important d'avoir une seconde opinion, puisque nous, on en a pensé ce qu'on en pense. Maintenant, j'ai trouvé sur les internets multimédia des gens qui ont aimé ce film, notamment plus que nous. Mais j'en doute pas. C'est des gens qui ont. Car il est cohérent. Qui ont mis 5 étoiles à ce film, parce que je pense qu'il y a, voilà, il y a plusieurs visions différentes. Donc, il y a Sophie. C'était leur premier film, ils n'avaient jamais vu rien. Je sais pas, ce sera à vous d'en juger. Un commentaire très simple, vraiment c'est même pas drôle, hein, mais c'est juste pour vous donner un peu l'opinion. Il y a quand même énormément de gens, émouvant. Il y en a plus de 50 qui ont mis ça. Touchant. Sophie qui écrit très beau film, film génial, très beaux acteurs, mais attention, n'oubliez pas de prévoir la boîte de Kleenex à voir et à revoir. Sophie 5 étoiles. C'est marrant parce que Sophie elle a pas dit la boîte de petits mouchoirs. Elle met Kleenex qui est une marque. Il y a alors ouais, là, Sophie d'une bille. Donc là voilà, Sophie c'est un peu pour nous mettre en jambes, hein, c'est vraiment pour vous. Parce que ça, des comme ça, il y en a des milliers. Ouais. Voilà, Après il y a et j'ai pris aussi un petit panel de gens qui s'y croient, c'est-à-dire qui mettent des commentaires où vraiment tu t'y crois quoi. Il y a Midnight Nox, tu sens que ce mec-là il met des commentaires. Midnight Nox, c'est un produit comme. Lui mais histoire d'amis, virgule histoire d'une vie. c'est le titre. Un film qui fait du bien. Une véritable catharsis à la fois pour les personnages que pour les spectateurs. Un film sensible qui fait place aux mots de notre, entre guillemets, époque moderne. Donc, Midnight Nox, qui est, je pense, globalement, il a réussi à être plus insupportable que le sportif de ce film. Nassim, faut que tu retiennes ce nom. Là, j'ai pris un commentaire, je l'ai pris juste pour le nom du gars que je trouvais marrant, il s'appelle Jerry Antoine. Jerry Antoine qui nous écrit « Super film, j'ai déjà vu ce film 2 fois, bravo. Une au ciné, l'autre dans un avion. Et je tenais absolument à la voir dans ma DVD tech. » Est-ce qu'il précise où est-ce qu'il va le regarder la prochaine fois ou pas? Et surtout, est-ce qu'il précise qu'il est en 1994 quoi. Donc, Jerry Antoine, 5 étoiles. Là, j'ai un long commentaire. C'est pas le plus drôle, parce que le plus drôle est pour la fin, mais j'ai un très long commentaire assez drôle de Benny. Cinq étoiles, pareil. Et alors Benny, je pense que c'est... je sais pas qui c'est, mais en tout cas, il a vraiment eu beaucoup d'émotions en écrivant ce commentaire. L'amitié à l'état pur. Ouais. Ce film est tellement réaliste. Ouais. Je trouve que c'est une réelle leçon d'amitié. Et oui, ce n'est pas toujours facile, l'amitié. Parfois même plus complexe que l'amour. On s'aime, on se déchire, on se trahit. Avec, en plus de ça, une palette d'acteurs haut de gamme. Je suis tombé sous le charme de ce film, de cette histoire, de cette bande de potes qui, malgré tout, arrivent à faire face à leurs petits ennuis de la vie grâce à une chose, l'amitié. Benny, bravo. 5 étoiles. Bravo, Benny. Là, franchement, j'en ai dû y aller, quoi. Benny, c'est ça, il a le meilleur commentaire, il est content. Ce mec vit seul et à 50 ans. Ouais, je pense qu'il a jamais eu un seul ami, quoi. Je pense que toutes les émotions dont tu parles, il les connaît pas. Hein. Genre plus fort que l'amour, l'amitié. Et alors, ça, c'est mon préféré, c'est Carole. Bah, à chaque fois, mes préférés, c'est des meufs, mais bon, je suis désolé. Un bon film français. Déjà, ça, c'est vrai. Genre, ouais, c'est un bon film français de merde. Ce film m'a été conseillé par une amie et je n'ai pas regretté. C'est un film qui met les liens d'une bande de copains à rude épreuve. François Cluzet et Clovis Cornillac sont super. Les émotions sont là. Carole, 5 étoiles. Voilà, donc c'était notre avis et ceux des autres sur Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Si vous ne l'avez pas vu, j'espère qu'on vous a donné envie.